Toujours à la même occasion, l'agence de presse AKP et la radio nationale 90,5 du Cambodge ont exalté les espoirs immortels du président Kim Il-sung qui a créé les idées du Tutsé et du Sun Kun.